En Corée, on a dépassé le plomb du nouvel an dans divers secteurs de l'économie nationale. Le complexe thermoélectrique de Pyongyang a accompli à 105% le plomb du nouvel an et la centrale Kunmin de Wonsan à plus de 200%. Le complexe sidérurgique de Kimche a effectué à 0h du nouvel an la première coulée de fonte et le complexe d'acierage Cholima a dépassé à 120% le plomb du nouvel an et le complexe houillé de la jeunesse du district de Suncheon à 103,4%.